Très heureux d'avoir un homme que je respecte beaucoup, que j'ai dit à chaque fois que je lui parle, mais il faut que je lui dise encore une fois, ce matin, j'ai l'honneur d'avoir, en ce triste jour du décès de Guy Lafleur, l'ancien directeur général du Canadien, Serge Savard. Bonjour, M. Savard. Oui, bonjour. Évidemment, c'est une nouvelle que moi, je suis abasourdi. La semaine passée, par ailleurs, je travaillais fort pour avoir des invités pour Mike Bossy, parce que lui aussi, c'est un grand joueur, là. Puis 7 jours plus tard, c'est Guy Lafleur. On s'en attendait, moi j'avais eu l'information mais il fallait pas que je la sorte qu'il faisait pas le mot. Fait que mais ça fesse toujours quand on sait ça, hein? Bon, c'est ça. Tout le monde savait que Guy avait une maladie où ça serait excessivement difficile pour lui de s'en sortir. Il a combattu jusqu'à la fin. Puis la dernière fois qu'on l'a rencontré en groupe, c'était le 20 septembre, c'était la journée de son anniversaire. Il célébrait son 60e. Hein, c'est un dîner qu'il y a eu, hein, je pense, c'est ça? On a eu un dîner avec lui, oui, mais je pense qu'on était une dizaine de joueurs, là, les anciens coéquipiers, puis ses deux enfants étaient là, Jeff Molson était là aussi. Et c'est ça, puis il était heureux, puis on parlait d'anciens souvenirs, puis il souriait, mais aussitôt qu'il parlait de sa situation, il voyait, il devenait triste, puis il avait l'arme à l'œil. Mais tu sais, il savait, lui, je suis convaincu qu'il savait qu'il avait très peu de chances de s'en sortir, et c'est ça qui le rendait excessivement triste. C'est un gars qui a fait une différence partout où il a passé. Il a fait une différence dans même la dernière année de sa vie. Il a parti le club numéro 10 avec le CHUM. Il a fait une levée de fonds que j'ai eu l'honneur de présider avec Alan Walsh. Il a ramassé au-dessus de 2 millions et il appelait à chaque jour au CHUM pour voir comment ça allait. Il appelait les donateurs. Même jusqu'à la fin de sa carrière, même s'il savait qu'il était excessivement malade, il a encore fait une différence. Ah, c'était le genre d'être humain qu'il était. Il a appris de Jean Béliveau, hein? C'est ça qu'on dit de ça, hein? Ben, c'était lui, Jean Béliveau, peut-être Maurice Richard, peut-être les trois plus grands de l'histoire moderne du club d'hockey canadien. Là, moi, j'ai eu la chance de jouer avec deux des trois. C'était des super vedettes. Là. C'était des niveaux supérieurs. Là. C'est des vedettes qui arrivent, que tu vois là, une fois dans une génération. Là. Tu vois pas ça à chaque année, des joueurs comme ça. Non. J'ai fait un entrevue avec Bob Sirois. Peu de monde le connaissent, mais dans les années 70, Bob Sirois, c'était le joueur des Capitals de Washington. Là. C'était le joueur vedette. Puis lui, il a dit qu'à 15 ans, déjà, Guy Lafleur, il a joué contre lui à 15 ans à l'époque. Puis Guy Lafleur était déjà une grande vedette à 15 ans. C'est là qu'on voit que quand même que c'est et il y avait ce côté spécial un peu déjà là. Les grandes vedettes, on les voit déjà à cet âge-là. Hein. Ben, je pense qu'on a montré, là, j'ai vu des clips à la télévision ce matin. Là. Ouais. Ils montraient au tournoi Pee-Wee à Québec. Là, il y avait quand même seulement une douzaine d'années, là, ouais. 12-13 ans. Il a marqué 7 ou 8 buts à un match. Il a été nommé le meilleur joueur du tournoi 2 années sur 3. Fait que je pense que la vedette, il la connaissait déjà à ce moment-là. Ouais. Dites-moi, Serge, vos plus grands souvenirs de Guy Lafleur. Vous avez vécu l'époque des années 70, évidemment. Le plus grand souvenir de Guy? Ben, écoute, au niveau sportif, Guy a été... Il a été impliqué dans des grandes victoires, puis il a compté des buts excessivement importants tout au long de sa carrière. Mais si j'avais à choisir un but, ben je peux probablement celui qui a égalé le match contre les Bruins de Boston en 1979. Puis on a gagné ce match-là en supplémentaire pour gagner la série. C'est peut-être le but qui nous a fait gagner notre 4e Coupe Stanley d'affilée en 1979, parce que c'est probablement un des buts les plus marquants de sa carrière, en tout cas, que je puisse me rappeler, même s'il en a scoré beaucoup des buts importants. Là. John Wensing à Boston, avait fait une déclaration, je vais arracher la tête de Guy Lafleur et la réplique de Lafleur deux buts. Ça avait été Ah, c'est spécial aussi, ça. Hein? des passages tristes ça, dans l'histoire du hockey, Ah oui, ok. d'avoir donné de l'importance à des personnages comme ça dans le hockey. Alors qu'on c'est des gars comme Guy Lafleur qui ont bâti le hockey, puis des gars comme Jean Béliveau, Maurice Richard, Guy Lafleur. Si des gars gagnent entre 5, puis 10, puis 12 millions de dollars aujourd'hui, c'est à cause de des gars comme ça. Et c'est pas à cause des gars comme Wensing Mais ça avait été une qui aurait réplique. dû. Oui, mais ça montre le caractère de Lafleur. Parce que je vais vous dire une affaire. Il y aurait eu des joueurs qui auraient pu être intimidés. Au Boston Garden, c'était pas évident de jouer au Boston Garden. T'avais la foule, t'avais cet aspect-là. Il y aurait eu des joueurs qui auraient été intimidés. Ça montre la force de caractère de Lafleur. Moi, je le prends positivement. Ben, c'est sûr, c'est sûr que c'est sûr que c'est intimidant d'entendre des choses comme ça. Mais il a joué quand même. Le club, on a joué quand même dans cette intimidation-là. Il y en a qui sont peut-être pas capables de jouer dans l'intimidation, il y en a qui sont capables de jouer. Et lui, c'en est un qui était capable de jouer, puis il a répondu de la bonne manière. Probablement, il était beaucoup trop bon, trop vite pour eux autres, là. Ouais. C'est la même affaire qu'en 76. Robert Sirois disait, il faisait partie de l'organisation des Flyers. Je suis pas d'accord avec, là. Il disait que les Flyers, c'était une équipe. On parle beaucoup d'intimidation. Lui, il est pas d'accord en disant que. Vous savez, c'était les Boston Bruins, on ne les appelle pas pour rien. Là. Quand vous les avez battus en quatre matchs, j'avais bien répondu à ça. C'était l'intimidation dans ce Ben, c'est temps-là. ça. Oui, effectivement. C'est ça. C'était la grande période de l'intimidation. Michael Bossé, il en a parlé beaucoup, là. Ben, c'est des juniors, puis c'était comme ça dans le junior à l'époque. C'était comme ça dans la Ligue nationale. Puis aujourd'hui, on s'en va dans la bonne direction, mais on est quasiment rendu là. Serge, si tu aurais. On a parlé un peu de. J'ai eu Jean Perron ce matin en entrevue, puis c'est sûr que 84, c'est d'une triste. Faut que j'en parle pareil. Si Jean Perron, il dit on a fourni un centre comme Keith Acton à Guy Lafleur, ça avait quasiment pas de bon sens. Si vous auriez quelque chose est-ce que vous le feriez différemment, le dossier Guy Lafleur, la gestion, la retraite et ainsi de suite? Si vous auriez quelque chose à faire, est-ce que vous feriez ça différemment? Non, c'est la carrière d'un joueur de hockey. Comme Guy, il a été un petit peu lent à partir dans les premières années. Puis, à un moment donné, quand tu t'en viens vers le dernier tiers de ta carrière, ben, t'as perdu une fraction de seconde. Ça devient, l'équipe n'était plus non plus ce qu'elle était. Alors, c'est devenu excessivement difficile pour lui. C'est devenu difficile pour Larry Robinson. C'est devenu difficile pour Steve Sharp. Moi, je suis devenu gérant général de l'équipe à cette époque-là, puis c'est toujours difficile de voir ou d'être là quand c'est la fin de carrière des joueurs avec qui tu as joué avec. C'est probablement la période la plus difficile de ma carrière de gérant général. Est-ce que Mais, l'échanger, écoute, c'était pas possible dans ce temps-là, c'était impensable. C'était impensable après ça, Gretzky, ça a ouvert la porte aux grands joueurs, mais c'était impensable de l'échanger à l'époque, là. Tant qu'à ça. Guy était sur la fin de sa carrière. Il a pris la décision de prendre sa retraite. Puis, effectivement, je pense peut-être qu'il n'était pas prêt à prendre sa retraite parce que quelques années plus tard, il a décidé de tenter un retour au jeu. Alors, je pense qu'il a fait une bonne affaire de revenir au jeu. Il avait le goût d'aller voir. Puis, il n'est pas le seul qui a fait ça. Mais moi, j'ai fait un retour au jeu à Winnipeg, puis Larry Robinson à Los Angeles, puis Steve Schott à Los Angeles. Puis on a tous joué avec une autre équipe un an ou deux. Ouais, effectivement. Serge, en terminant, je veux t'entendre sur Mike Bossy. C'est encore très frais, là, Mike Bossy. Écoute, puisque je vous ai. Mike Bossy, êtes-vous d'accord avec les gens qui disent s'il aurait joué pour le Canadien, ça aurait probablement été dans les grandes vedettes aussi, au même titre que Béliveau, Lafleur et. Ça aurait. Ben, il aurait été une grande vedette, certain. Écoute, c'est un gars qui a marqué 50 buts, 9 années d'affilée. C'est un grand joueur de hockey. Ouais, mais dans la lignée des Lafleur, des Béliveau, ça aurait été Un là-dedans? grand joueur de hockey, C'est un grand joueur de hockey, mais Guy Lafleur, c'était une coche plus haute, là. Guy Lafleur, c'était un gars qui a dominé la Ligue nationale pendant 6 ou 7 ans. au même titre que Gretzky, au même titre que Mario Lemieux, au même titre que Bob Orr. C'est un petit peu différent, là, même si je veux rien enlever à Mike Bossy, là, qui a été un grand joueur de hockey. Là. Ouais. La Fleur, ça a été une classe supérieure. OK. Serge, merci beaucoup d'avoir pris encore du temps avec moi. Au plaisir de se parler un autre temps dans des conditions plus joyeuses. Merci. L'ex-directeur général du Canadien, Serge Charles.